Bienvenue à une rencontre qui changera votre vie par la parole de Dieu qui vous est présentée à Lighthouse Chapel International, la Belle Église, à Kodesh. Cet enseignement donne de claires et directes réponses à quiconque désirerait marcher selon la parole de Dieu. Maintenant, écoutons la parole de Dieu. C'est mieux, c'est bien de reconnaître les bénédictions de Dieu. Saint-Esprit, nous t'invitons ce matin. Viens prendre le plein contrôle. Nous allons prendre ce chant ensemble. Alléluia. Aide-moi à chanter ça. Nous allons prendre ça ensemble. Et j'aimerais que tu puisses lever les mains vers le ciel et adorer Dieu ce matin alors que la parole de Dieu est en train de venir. Seigneur, je t'appartiens. Je te donne tout mon cœur. Présente ton cœur à Dieu ce matin. Je te donne toute la gloire. Oui, je t'aime. Je t'honore et t'adore. Je t'honore et t'adore. Je désire te dire plus. Je désire te dire plus. Oh, Seigneur, je veux te dire combien je t'aime. Oui, je t'aime. Oui, je t'aime. Oh, Seigneur, oui, je t'aime. Seigneur, oui, je t'aime. Oh, oui, je t'aime. Envahis nos cœurs de ta présence. Nous voulons pas sortir de ces moments tels que nous sommes venus. Beaucoup d'entre nous sont venus avec des problèmes, des situations terribles, Seigneur Dieu, des fardeaux. Et ce matin, nous voulons partir de ces moments, Seigneur Dieu, déchargés, remplis de ta grâce, remplis de ta paix. Te disons merci pour ta parole. Viens, utilise-moi ce matin pour proclamer tes oracles à tes enfants. Que la gloire te revienne ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin? Prenez place, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Le Seigneur merveilleux. J'étais en train de parler il y a de cela deux semaines De quoi? Je parlais de quoi? Oh, vous avez oublié. Donc on partage la grâce et puis on rentre chez nous. Je parlais de quoi? De 10 raisons pour lesquelles, est-ce que vous vous souvenez? Les gens n'utilisent pas leurs talents. Alléluia. Et nous avons donné certains points. Est-ce qu'on peut prendre nos buts dans Matthieu 25? Du verset 14, verset 19. Alléluia. Prenez votre Bible. Aujourd'hui, on n'a pas l'écran, donc ne comptez pas sur l'écran ce matin si vous n'avez pas votre Bible. Alléluia. Car le royaume des cieux est comme un homme qui voyageant dans un pays lointain appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Et il donna à l'un 5 talents, à un autre 2, et à un autre 1, à chacun selon ses nombreuses aptitudes. Et aussitôt prit son voyage. Alors celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla et fit du commerce avec les mêmes, et il gagna 5 autres talents. Et celui qui avait reçu 2 fit de même, et en gagna aussi 2 autres. Mais celui qui avait reçu qu'un s'en alla et creusa dans la terre et cacha l'argent de son maître. Après un long moment, le maître de ses serviteurs revint et régla ses comptes avec eux. Alléluia. C'est une histoire qui nous parle d'un maître qui partait pour un long voyage et qui a remis des talents à ses serviteurs. Amen. Et je disais la fois passée que les gens n'utilisent pas leurs talents ou bien le don qu'ils ont reçu de la part de Dieu. La première chose, c'est qu'ils ont peur. Alléluia. La peur d'utiliser ses talents, les dons que Dieu t'a donnés. Beaucoup d'entre nous n'arrivons pas à guérir les malades, c'est parce que nous avons peur. Et si je priais pour cette personne, la personne n'est pas guérie. Et si je disais, je partais pour aller réveiller le mort, et le mort ne se réveille, la personne morte ne se réveille pas. Alléluia! Nous avons peur. Et la peur, le diable utilise la peur pour nous empêcher de pouvoir faire le travail de Dieu. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce matin? Quel est le deuxième point que nous avons donné? Cacher. Le fait de cacher ses dons. Certaines personnes parmi vous ici, vous avez beaucoup de dons, mais vous les cachez. Alléluia. Parce que le serviteur, lorsqu'on lui a remis un talent, il a décidé d'aller creuser et d'aller cacher ce talent pour que personne ne soit au courant. Certaines personnes ici, vous chantez très bien. Certaines personnes ici, vous savez arranger. Vous savez comment faire certaines choses, mais vous vous cachez. Amen. Et beaucoup de personnes le font, non parce qu'ils ne veulent pas faire quelque chose, mais juste parce qu'ils ne veulent pas utiliser leur talent. Ils veulent se cacher, être dans l'ombre. Amen. Le troisième point, je vais rapidement. Le troisième point, qu'est-ce que j'avais dit? Les critiques. Oh, il n'y a que seulement Aurélie qui était au culte. Voir le défaut chez les autres. Alléluia. La raison pour laquelle beaucoup de personnes n'utilisent pas leur talent, c'est parce qu'ils voient le défaut. Ils se disent, si je me mettais là-bas, ils risquent de me critiquer de la même manière. Alléluia. Si on me donnait le micro ce matin pour pouvoir prêcher, est-ce que je pourrais prêcher? Parce que, alors que je suis assis là-bas, je critique le pasteur. Au lieu de dire « le », il a dit « là ». Au lieu de dire « ceci », il a dit « cela ». Au lieu de dire « ce verset », il a dit « un autre verset ». Alléluia. Et parce que tu ne veux pas que quelqu'un te critique, tu préfères rester là où tu es, te cacher. Amen. Le quatrième point, c'est quoi? Mépriser. Lorsque le maître partait, il a redonné à quelqu'un, à une personne 5, à l'autre 2, à une personne un seul talent, un seul don. Et cette personne a méprisé ce don que Dieu lui a donné. Alléluia. Bon, lorsqu'on parle de don, beaucoup d'entre nous devons savoir que le don, c'est quelque chose qui t'aide à accomplir une tâche rapidement. Tu n'as pas besoin de faire trop d'efforts. Amen. Par exemple, beaucoup d'entre vous, vous avez, si vous prenez votre téléphone, c'est un don que vous avez. C'est un don que vous avez, mais beaucoup d'entre vous n'utilisez pas votre téléphone. Lorsqu'on parle de smartphone, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a pas un téléphone intelligent? À part Aurélie. Yeah, tout le monde a un téléphone. Et si je vous demandais ce que vous faites avec votre téléphone intelligent, les iPads, ta tablette, là, c'est seulement une seule fois par semaine que tu utilises. Alléluia. Beaucoup d'entre vous avez prié pour avoir un téléphone intelligent. Jusqu'à aujourd'hui, vous n'utilisez même pas un don que vous avez, mais vous l'avez caché. Par exemple, mon téléphone, je peux utiliser mon téléphone pour contrôler ma télé. Il y a une application sur Android qu'on appelle Bell Smart quelque chose. Lorsque tu l'utilises, tu peux contrôler, tu peux être assis quelque part et puis éteindre la télé. Personne ne saura. Jusqu'à présent, j'ai caché ça à ma fille. Parce que si elle, ma femme ne sait pas. Si elle le savait, elle va utiliser plutôt mon téléphone au lieu d'utiliser la. Comment appelle-t-on? La télécommande. C'est un don. Beaucoup d'entre vous, Dieu vous avez reçu quelque chose, mais vous ne l'utilisez pas. Vous avez un téléphone intelligent, mais vous n'avez même pas podcast dessus. Où les messages viennent très facilement. Dès qu'on finit de prêcher le message apparaît sur ton téléphone pour que tu puisses être béni. On n'utilise pas. Alléluia. Nous méprisons ce que nous avons. Alléluia. Et la raison pour laquelle cette personne, la personne qui avait reçu un seul talent méprisé, c'est parce que c'était trop peu. Il voudrait qu'on lui donne quelque chose de grand. Quelque chose de grand. Si par exemple je demandais, oh, pas chanter à Prise en Rocher, personne dira, oh, Prise en Rocher, c'est pour les enfants. Moi, je veux plutôt diriger la chorale. Parce que mon talent, ce n'est pas pour Prise en Worship. Alléluia. Amen. Donc, cette personne a décidé de mépriser le talent que Dieu, que le Seigneur lui avait donné. Alléluia. Et le point 5, j'ai déjà même parlé de ça. Le point 5 dit, le mépris de la petitesse de votre don. Vous méprisez parce que votre don est petit. Alléluia. Et ce matin, je vais rapidement continuer avec le point 6 jusqu'au point 10. Alléluia. Surestimation de vos capacités. La raison pour laquelle certaines personnes n'utilisent pas leurs dons, ils se surestiment. Ouais, il y a certaines choses, hein, tu ne peux pas le faire. Mais tu penses que tu peux le faire. Tu t'estimes tellement grand. Que lorsqu'on te demande d'aller nettoyer, d'être hasher, de nettoyer l'église, tu te dis que ça c'est pour les enfants. Comment est-ce que moi je peux venir à l'église et puis nettoyer l'église pour que les gens viennent s'asseoir, salir et puis nettoyer encore l'église? Yeah. Tu te surestimes, tu te dis, oh, mes capacités ne me permettent même pas de jouer au piano à l'église. Si je vais jouer au piano, je vais jouer pour le président de la République, pas pour les gens de l'église. Alléluia. Une surestimation. Et beaucoup d'entre nous, lorsque nous le faisons, nous rentrons dans un cadre où Dieu ne peut même plus nous utiliser. Parce qu'il t'a remis, lorsqu'il partait, il leur a remis quelque chose pour être utile. Amen. Parce que certaines personnes, lorsque je leur demande, quitte ce groupe pour aller dans ce groupe. Ils disent non, je ne peux pas partir là-bas. Des fois, c'est vrai. Des fois, ce n'est pas parce que c'est l'humilité ou bien parce qu'ils ne peuvent pas. Mais ils ne comprenez-moi bien ce que je suis en train de dire. Ne prenez pas ça, comment appelle-t-on, de notre côté. Lorsque tu demandes, par exemple, demande à Rinès de partir à la chorale, tu veux partir à la chorale. Yeah. La chorale, c'est trop petit pour lui. Yeah, la croix, c'est un prayer warrior. Donc si je l'envoie à la chorale, c'est trop petit pour lui. Yeah. L'intercession, c'est mieux. Businessman, c'est mieux. Mais lui, il n'est pas, non. Parce que j'ai demandé à comment il s'appelle? Comment est-ce qu'il attend encore? Dimitri. Lorsque je prends le micro, j'oublie tous les noms. Le jour où tu prendras le micro, tu comprendras. Yeah. J'ai demandé à Dimitri de venir à la chorale. Il m'a dit, il va demander pardon. Pardon, il ne veut pas. Il dit, je peux l'amener n'importe où, mais pas à la chorale. Parce que la chorale, ce sont les petits qui sont à la chorale. Yeah. Ce n'est pas pour quelqu'un comme lui. Yeah. J'ai demandé à Angela, viens. Il dit, quitte Prise en Worship. Viens m'aider au niveau de l'école, l'école de berger, tout ce qui est comme école. Elle m'a dit, non, je peux t'aider à l'école. Mais je veux toujours rester à Prise en Worship. Parce que l'école, on ne te voit même, on ne voit même pas ce que tu fais. Yeah. C'est vrai qu'elle m'aide, mais la manière de m'aider au niveau de l'école, elle ne le fait pas. Elle préfère rester à Prince. Parce que Prince est en chip. Lorsqu'elle est là-bas, son notion coule. Le don qu'elle a reçu, elle se croit que vraiment c'est son don. Moi, j'ai vu autre chose qu'elle ne sait même pas. Yeah. Amen. Yeah. J'ai demandé, aujourd'hui, c'est le dernier dimanche que Yannick chante à Prison Worship. Tu l'as envoyé ailleurs. J'ai demandé, va ailleurs. Tu vas plus chanter à Prison Worship. Alléluia. Amen. Vous voyez, Dieu a mis des choses en vous. Et ne croyez pas que là où Dieu t'envoie est trop petit pour toi. Parce que le plus souvent, lorsqu'on croit que la chose est grande pour nous, on se dit, ok, je vais accepter ce défi. Yeah, je vais accepter ce défi. Mais parce qu'on se croit que c'est trop petit pour nous, ou bien c'est pas ce que je veux. Le don que Dieu m'a donné, c'est pas pour la chorale. Alléluia. Amen. Et on se surestime, on se croit très élevé. Je suis en train de penser, qui encore envoie la chorale? Je suis en train de voir Austin. Alléluia. Et aussi qu'il est en train de prier en langue. Il est en train de lier ma bouche. Alléluia. Amen. Ouais, une des choses que vous devez savoir, c'est que à force de développer un don, à force d'exercer ton don, tu verras que tu vas recevoir encore plus. À force d'utiliser ce que tu as. La plupart des gens que vous voyez aujourd'hui en train de jouer au piano, vous les voyez avec des talents. Mais sans quelqu'un comme Bessalel, je suis sûr que Bessalel sera un très grand batteur de son temps. Lorsqu'on compare les batteurs au Bénin, on doit normalement l'appeler. Tu es du Bénin, non? Yeah. On doit l'appeler. Mais il a commencé. À un moment, je lui ai dit, Bessalel, je ne veux même pas te voir sur l'escade. Je lui ai dit, je l'ai dans combien de mois? 2 mois. Je dis, je ne veux pas te voir sur l'escade. Il me dit, non, mais moi, le talent que moi j'ai, je veux servir Dieu, tu ne veux pas que je serve. Je lui ai dit, non, je ne veux pas te voir. Cache-toi, va apprendre. Après, il est venu, il a commencé à jouer. Parce qu'il a appris 2 ou 3 roulades. Tu sais comment il a joué? Je l'ai encore appelé, j'ai dit, mon frère, à partir d'aujourd'hui, joue sans roulade, joue simplement. Joue seulement le ring que tu as attendu, joue. Après le culte encore, j'ai encore une remarque à lui faire. Yeah. Jusqu'à ce qu'il développe son talent. Et un bon matin, vous allez le voir, en train, il n'a même pas besoin d'un pianiste pour pouvoir jouer. Je me souviens, une fois j'étais dans un culte, et le courant, on n'avait plus le courant, on était en plein prison worship. Il y avait seulement le batteur. Tu ne sauras même pas que c'est... Tu vas te dire, ah, est-ce qu'il y a la guitare basse également qui jouait? Yeah. Il y a des gens qui sont talentueux. Parce qu'il a développé cela pendant longtemps, pendant des années. Vous voyez qu'aujourd'hui, les gens qui courent, qui ont les médailles d'or, vous croyez qu'ils ont commencé comme Austin? Ils mangent dimanche matin, ils disent qu'ils marchent un peu. Non. Alléluia. Amen. Prochaine raison. Et je pense que beaucoup de gens sont dans ce cas également. Matthieu 25, verset 26. La parole de Dieu dit, son Seigneur lui répondit et lui dit, serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Alléluia. L'une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes également n'utilisent pas leurs dons, à cause de la paresse. À cause de la paresse. Et beaucoup de gens se cachent derrière leur tempérament. Oh, je suis phlegmatique. Oh, je suis phlegmatique. Non, les phlegmatiques. C'est pas vrai. Moi, je connais les phlegmatiques. Lorsque vous les voyez, ils sont comme des colériques. Vous ne serez même pas. Si vous êtes contrôlé par l'Esprit de Dieu, tu n'as pas te cacher derrière ton tempérament. La paresse. Ces personnes pouvaient dormir à 8 heures du matin, 10 heures. Un frère m'a dit un jour, il se réveille à 10 heures du matin. Il dit, ah, 10 heures du matin. Moi, le jour, tu me verras sur le lit à 10 heures du matin. Peut-être que je suis endormi à 6 heures du matin. Oh, mais je suis malade. Lorsque tu me vois sur le lit comme ça, viens, amène-moi à l'hôpital. C'est mieux. Ou dormir midi. Ces personnes peuvent dormir jusqu'à 2 heures du matin. 2 heures du matin, 14h. 14h. La paresse. Te lever pour même prier, c'est un problème. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne prient pas, c'est à cause de la paresse. Et à cause de la paresse, tu ne veux rien faire. Tu veux juste t'asseoir, contempler l'univers, contempler la beauté de Dieu. Et c'est tout. Tu te réveilles le matin, qu'on te sert à manger, qu'on te fasse comme c'était le jour qu'on appelle ça, nuit de miel. Hein? Lune de miel, bien nuit de miel. Lune de miel. Ah, ok. Lune de miel. Yeah. Te réveilles le matin, te sert au lit. Qu'est-ce que tu veux? La paresse. Et beaucoup d'entre nous sont paresseux. Nous sommes paresseux. Nous ne voulons pas utiliser notre parce que nous sommes paresseux. Nous ne voulons rien faire. Paresseux. Il y a un animal qu'on appelle paresseux. Vous connaissez? Et vous le voyez, c'est vraiment un paresseux. Il ne veut rien faire. S'il monte sur quelque part, il peut rester là pendant longtemps. Il peut avoir faim, mais le fait de descendre même pour aller prendre la nourriture à côté, décider d'être comme ça. Et beaucoup d'entre nous, nous n'utilisons pas nos dons parce que nous sommes quoi? Nous sommes paresseux. Demande à ton voisin, est-ce que tu es paresseux? Est-ce que tu es paresseux? Qu'est-ce que ton voisin est en train de dire? La paresse. La paresse d'aller visiter les brebis. La paresse de faire quelque chose pour Dieu. Ouais, vous voulez vous reposer jusqu'à quand? Ces personnes, vous allez vous reposer dans votre tombe un jour. Pour le moment, il y a un temps pour tuer, un temps pour se reposer. Tu ne refuses pas. Mais ne prenez pas tout votre temps pour vous reposer. Tout ce qu'on te demande à faire, t'encourager, utiliser les paroles bibliques, même les prophéties, pour t'aider à faire ce qu'on te demande de faire. À cause de la paresse. Amen. Et beaucoup de personnes n'utilisent pas leurs dons à cause de la paresse. Amen. Dis à ton voisin, je prie que tu ne sois plus paresseux. Que l'esprit de paresse quitte ta vie ce matin au nom de Jésus. Impose la main à ton voisin. Dis à toi, dis, je chasse l'esprit de paresse dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Encore une autre raison. Je suis à quelle raison? 7, hein? Yeah. Ne pas vouloir être trompé, être triché. Ne pas vouloir être triché. Les gens n'utilisent pas leur don parce qu'ils ne veulent pas être trichés. Dis-moi, je viens à l'église, je nettoie l'église. Après le passage, je vais devoir rentrer dans sa voiture pour partir. Yeah. Il rentre dans sa voiture pour partir. Moi, je souffre pour aller travailler quelque part. Je viens à l'église pour venir donner ma dîme. Et lui, prend ça pour aller acheter des compétences. Sa femme change les cheveux chaque semaine. Yeah. Je ne veux pas être triché. Yeah. C'est ce que le serviteur a dit à son maître. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Yeah, c'est ce qu'il lui a dit. Je sais que tu moissonnes là où tu n'as pas semé. Tu es un tricheur. Et je ne veux pas tricher. Beaucoup d'entre nous, ce que nous sommes en train de nous faire, nous ne voulons pas être trichés. Nous sommes prêts à sacrifier pour être numérés. Tu es prêt, lorsqu'on te paie par exemple 10 000 Ghana Cedis par mois, tu es prêt à tout faire. Mais là où on te paie 1 000 Ghana, non. Où on te donne rien du tout. Le temps que vous passez, la chorale qui vient, les instrumentistes qui viennent répéter. Après tout, lorsque les chants ne marchent pas, je viens, je les reprends encore. Il dit, ah, parce que tu ne nous donnes même pas le déplacement. Et après, tu viens encore nous reprendre parce qu'on a fait une erreur dans le champ. Et parce que tu ne veux pas être triché, tu préfères garder ton don. Tu préfères garder ton don. Rester là où tu es. Que personne, je ne veux pas qu'on me triche. Il y a certaines églises, si vous partez, les instrumentistes sont payés. Oh, ils sont payés, c'est leur travail. Moi, je connais un gars, il n'a pas donné sa vie à Jésus. Et c'est un très bon pianiste. Il va jouer dans toutes les églises, dans les grands concerts, il va jouer. Il n'a pas donné sa vie à Jésus. C'est son travail, c'est parce que l'église a besoin de l'aide. Donc, il va jouer. Et après avoir fini de jouer, il a son salaire par mois. Yeah. Alléluia. Vous voulez que Dieu vous paye pour ce qu'il vous a donné? Le don que Dieu vous a donné, vous voulez que Dieu vous paye? Parce que la Bible dit, amenez dans la maison les trésors. 10% de ce que vous avez reçu. Et le pasteur, après, il prend l'argent. C'est pour aller acheter une nouvelle voiture. Beaucoup d'entre vous critiquez les pasteurs. Beaucoup d'entre vous, lorsque vous voyez un pasteur qui est sur un vélo, vous dites, waouh, ça c'est un pasteur. Ça c'est un pasteur. Yeah. Il est vraiment appelé. Yeah. Il est vraiment, un pasteur qui marche, oh, il est appelé. Parce qu'il souffre pour Christ. Yeah, vous voyez le pasteur qui conduit une 4x4. Non, c'est un tricheur. Il n'est pas appelé. Il est seulement venu pour gagner de l'argent. Et moi, ce qui est sûr, ils peuvent tout dire. Ils peuvent lancer tout ce qu'il y a comme prophétie. Les ones ils disent que j'ai, c'est ce que je vais donner chaque dimanche. Je ne peux pas donner plus de ones ils disent. Si je donne le maximum, c'est ones ils disent. Le minimum, c'est la pièce qu'on n'utilise même pas. One peswa. On n'utilise pas. Yeah, c'est mon minimum. Il peut tout dire. Il peut partager les enveloppes pour prophétiser sur les gens. Il ne va pas me tricher. Alléluia. Les gens n'utilisent pas leurs dons parce qu'ils ne veulent pas. Ils pensent qu'on les triche. Alléluia. Mais ce matin, Dieu est en train de délivrer quelqu'un. Dieu veut qu'on utilise nos dons pour sa gloire. Alléluia. Le point 9. Nous n'utilisons pas nos dons parce que nous sommes méchants. La Bible dit dans le verset 25, j'avais déjà lu ça, méchant et serviteur paresseux. Méchant. Je vais raconter une histoire. Bishop pas prêche. Je suis en train de partager dans ce livre. Beaucoup d'entre vous, peut-être certaines personnes le savent. Nombreux sont appelés. Yeah. Bishop racontait dans ce livre, il disait qu'il y avait un homme vraiment intègre dans sa vie. Il n'y avait pas deux comme lui. C'est un chrétien, il prie, il va, à chaque fois lorsqu'il part au bureau, il organise, un quiet time. Dans son bureau, il partage la parole de Dieu, il prie pour les gens avant qu'ils ne commencent. Alléluia. Et un jour, il partait au travail, il travaillait à la banque, un jour il partait au travail. Et sur le lieu, et puis ce monsieur, c'est un bon nageur, un maître nageur, un spécialiste. Vous savez, cette personne, lorsqu'il rentre dans l'eau, tu ne les verras pas pendant au moins 10 minutes et ils sortent après. Hein, ce sont ces gens de spécialistes. Cette personne, lorsqu'il rentre dans l'eau, si on vous met dans l'eau tout de suite, vous allez voir, 2 secondes, la personne est noyée. Vous devez apprendre à nager. Oh. Hein? Qui sait nager ici? Waouh, Africains, nous sommes toujours comme ça. Oh. Que Dieu ait pitié de nous. Et ce monsieur, lorsqu'il partait, il partait au travail, il avait vu dans la rivière, il y avait des gens qui étaient au bord d'une rivière, il y avait un enfant qui était en train d'être noyé. Et ce monsieur, lorsqu'il partait, il voyait l'heure. Il disait, s'il ne part pas vite, il risque de rater son quiet time au bureau. Le partage qu'il devait faire. Donc il a attendu quelques minutes, il réfléchissait, et puis il a décidé de partir. Et il a laissé les gens, parce que les gens qui étaient autour de la rivière ne pouvaient pas sauver l'enfant parce qu'ils ne savaient pas nager. Et il est parti, le monsieur est parti au boulot, il a fait son partage, il a prêché. C'est sûr que peut-être quelqu'un a donné sa vie à Jésus même le jour-là. Et après, dans les journaux, ils ont annoncé que la fille qui était dans la rivière est décédée et on l'a menée à la morgue. Si je vous posais la question ce matin, est-ce que ce monsieur est méchant? Hein? Oh, c'est la réponse est très simple. Est-ce que ce monsieur est méchant? S'il est méchant, pourquoi vous voulez encore analyser? Oh, mais vous-même, vous êtes comme ça. Tu pouvais aider quelqu'un, mais tu ne l'as pas fait. Ah, est-ce que ce monsieur est méchant? C'est vrai qu'il est méchant. Est-ce qu'il a tué quelqu'un? Hein? Il n'a pas tué quelqu'un. Il n'a tué personne. Il n'a tué personne. Il n'est pas rentré dans l'eau pour tuer l'enfant. Il partait quelque part. Mais la raison pour laquelle vous l'appelez méchant, c'est parce qu'il n'a pas utilisé, il n'a pas aidé l'enfant qui était dans la rivière. Alléluia. Et c'est ce que Dieu aussi t'appelle. Parce que tu n'utilises pas ce que Dieu t'a donné. Il t'appelle méchant. Vous avez jugé quelqu'un tout à l'heure que la personne n'utilise pas son don. Le don qu'il avait pour sauver quelqu'un. Et également, Dieu est en train de te dire aussi ce matin que tu n'utilises pas ton don. Tu es méchant. Alléluia. Et lorsque je parle de don, beaucoup d'entre vous, vous parlez des talents, vous parlez. Je vais juste donner un verset dans la Bible. Et je pense que je vais donner le point 10 et on va terminer. Un verset de la Bible. Je me souviens, j'avais l'âge de... Il y a de cela 25 ans que j'ai appris ce verset. Alléluia. Et c'est que toi aussi, tu le connais. Alléluia. Je cherche un second verset rapidement. Je dois avoir deux versets dessus. Ok, je pense que j'ai un verset ici. Prenez vos Bibles dans Romains 6, le verset 23. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais regardez la suite, la Bible dit, mais le don gratuit. Oh, lisez. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? C'est la vie éternelle. C'est la vie éternelle. Le don gratuit. Le premier don que Dieu a donné à beaucoup d'entre nous, c'est ce don gratuit qui est la vie éternelle que nous avons reçue de la part de Dieu. Et nous n'utilisons pas ce don-là. Le don gratuit. Nous n'utilisons pas ce don-là. Nous gardons ce don de la vie éternelle pour nous-mêmes. Nous cachons la vie éternelle aux autres. C'est un don que tu nous as donné, le salut que tu nous as donné. Aujourd'hui, tu vas voir, lorsque tu vois... tu peux comparer ton salut, ta vie éternelle, et puis les seins d'une sœur. Tu préfères attraper les seins d'une sœur. Excusez-moi de dire la vérité, nous sommes jeunes ici. Peut-être certaines personnes seront choquées, mais vous connaissez. Parce qu'on vous, tu connais les seins d'une sœur, non? La vie éternelle, ce don gratuit que Dieu nous a donné. Vous allez voir que beaucoup de personnes, moi par exemple, j'ai appris à jouer au piano, c'est pas parce que je voudrais faire quelque chose, c'est parce que ce don était en moi, le don de la vie éternelle. Parce que j'ai la vie éternelle, qu'est-ce que je peux faire de ça? Qu'est-ce que je peux faire de la vie éternelle que j'ai reçue de la part de Dieu? Tu es à la chorale, c'est pas parce que tu veux chanter. Pourquoi tu chantes même? Pourquoi tu chantes pour Dieu? C'est parce que tu as reçu un don. Et ce don, c'est la vie éternelle, le salut que tu as reçu. Beaucoup d'entre nous n'utilisons pas, nous mettons notre salut de côté, nous cachons notre salut. Lorsqu'on te présente le salut et puis une bouteille de whisky, tu caches. Salut, est-ce qu'on mange le salut? Tu mets ce don de côté. Tu vois les gens en train de se noyer. Les jeunes qui prennent la dent, qui prennent le chanvre. Tu as le don du salut. Tu ne vas même pas vers eux pour partager ce don avec eux. Pour gagner encore d'autres dons. Parce qu'il y a encore d'autres dons. Pour gagner encore d'autres dons. Tu caches. Vous avez traité un homme tout à l'heure de méchant. Est-ce que toi aussi tu n'es pas méchant? La méchanceté. Ouais, vous ne pouvez pas servir Dieu. Si vous n'avez pas ce don en vous, le don du salut, vous ne donnez pas de la valeur à ce don que Dieu vous a donné. Il dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dieu a accordé à chacun d'entre nous la vie éternelle. Mais qu'est-ce que nous faisons de cette vie éternelle? Qu'est-ce que nous faisons de cette vie éternelle? Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de mourir. Et toi, tu as ce don. Tu restes dans ta maison, tu ne veux pas sortir parce que tu es paresseux. Tu ne veux pas l'utiliser parce que tu penses que les gens vont te tricher. Parce que tu crois que tu es arrivé Est-ce que moi je peux sortir pour aller prêcher aux prostituées, pour aller prêcher à ces gars qui sont à l'école, qui fument le champ? Non, moi je suis le don que j'ai, c'est pour prophétiser aux gens de l'église. Alléluia. Méprisons le don du salut, la vie éternelle que Dieu nous a donnée. Et les gens sont en train de mourir au jour le jour. Vous allez voir que chaque dimanche, c'est comme si je répétais le même message. Mais je pense que c'est un message que vous devez écouter. Parce qu'il y a trop de bêtises qui se passent dans la maison de Dieu. Des chrétiens qui ne sont pas sérieux. Des chrétiens qui ne sont pas forts. La raison pour laquelle Dieu te donne la force pour résister, c'est parce que c'est ce que tu considères le don qu'il t'a donné. Il te donnera ce don qui est la force également. De pouvoir résister au péché. De pouvoir résister à la tentation. Ce n'est pas facile. Et tu dis, si beaucoup d'entre vous, si on vous mettez dans une chambre avec une soeur, 90% vous allez tomber. Ou bien les frères. Ou bien ce n'est pas vrai. Hey, les gens me regardent bizarrement. Yeah. Vous allez tomber. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Moi, je me souviens lorsque j'avais donné ma vie. J'ai rencontré Jésus dans ma vie. Je pense que j'avais dédié ma vie à Jésus après. J'étais comme David. Vous connaissez David, le fils d'Epiakos. Peut-être que j'étais même moins âgé que David. Et c'est ce verset-là. Et après, lorsqu'on est rentré à la maison, j'étais avec mes frères, avec mes soeurs. On priait ensemble. Un jour, on était là, il y avait une dame qui avait... Elle allaitait son bébé. Et tout d'un coup, le bébé ne bougeait plus. Le bébé était décédé. Elle avait commencé... On était au Bénin en ce temps-là. Elle avait commencé à pleurer, à crier. Et elle était venue dans notre maison. Et on était ensemble avec nos frères, les soeurs. On ne s'est pris pas la main. On a entouré le bébé. J'étais comme David. Et on commençait à prier. Je ne savais même pas prier en langue. Les autres parlaient déjà en langue. Je priais. Tout d'un coup, l'enfant s'est réveillé. Wow. Yeah. C'était le premier miracle que j'ai vu dans ma vie. Oh. L'enfant s'est réveillé. L'enfant était réveillé. Le don du salut. D'autres dons vont s'ajouter. Le don du salut, si tu considères cela. Et aujourd'hui, toutes les personnes avec qui le jour où je tenais la main, on priait le jour-là. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux ont négligé ce don-là. Aujourd'hui, tous mes frères ne sont plus chrétiens, si je peux le dire. Ils ne prient plus. Frères, cousins, les personnes. Dieu me rappelait ça hier. Il me dit, toutes les personnes qui étaient avec toi le jour-là, on priait ensemble. Eux tous aujourd'hui ne sont plus chrétiens. Parce qu'ils ont méprisé. Et il y a même un d'entre eux qui est même décédé à 3 jours de cela. Un jour, on était à la maison, il y avait une dame qui m'avait dit qu'elle ne pouvait pas marcher. Parce que lorsqu'elle marche, il y a comme des épines. Donc, elle ne peut pas marcher. On a prié également pour elle. Et la maladie, mais ce qui se passait dans son corps, est parti. Notre maison était comme au Bénin, notre maison était comme, comment appelle-t-on, pas comme une église, mais on avait les réunions de cellules. Des cellules où il y avait assez de gens, beaucoup de gens venaient. C'est comme, moi, les histoires de cellules qu'on vous parle aujourd'hui, j'ai déjà vu ça. Le fait de donner ta vie à Jésus, ce don gratuit que Dieu nous a donné. Qu'est-ce que tu fais de cela? Qu'est-ce que tu fais de cela? Ce don gratuit. Tu n'as rien payé, oh. Jésus a tout payé pour toi. Il t'a donné ce don gratuit. Qu'est-ce que tu fais de ce don gratuit? Alléluia. Lorsque j'avais donné ma vie, il y avait un piano dans l'église. Un piano qui était délaissé. Personne ne touchait à ce piano-là. Et à chaque jour, je partais. Je jouais. Je voulais apprendre à jouer Berger de mon âme. Et je jouais comme ça. Je touchais les touches l'un après l'autre. Et un jour, lorsque je grandissais un peu, j'ai commencé à jouer normalement. Alléluia. Et après un moment, j'ai appris qu'il y a un frère et une soeur qui sont partis, même, comment appelle-t-on, fait l'amour sur, c'est même pas l'amour, aller pêcher sur ce piano-là. Yeah. C'est un piano professionnel, piano des blancs. Yeah. Ils sont partis dans une salle. Le piano, c'est dans une salle. Ils sont partis. sont partis pêcher dans l'église. Oh. Il avait pris la sœur sur le piano. Et imaginez. Yeah. Vous voyez, je suis en train de... Vous êtes en train, peut-être c'est sûr, vous êtes en train de rire. Mais vous faites la même chose. Vous voyez, Dieu est fatigué. Je vais vous donner le dernier point et puis on va partir parce que je pense qu'on doit partir. La méchanceté. Alléluia. Le dernier point, c'est être spirituellement non rentable, sans valeur et inutile. Je ne sais pas si vous n'êtes pas parti quelque part acheter quelque chose que vous ne pouvez plus porter. Même si la chose vous coûte cher. Tu es parti peut-être à un voyage, tu as acheté une chemise. Et lorsque tu vois la chemise, tu dis non, la chemise, ça va m'aller. C'est tout les soeurs. Tu rentres chez toi, tu vois que ton ventre est trop poussé. Ou bien lorsque tu portes ça, tes fesses sont en l'air. Yeah. Tu ne peux plus porter. Mais cette robe, bien cette chemise, ça a coûté cher. Ou bien une chaussure que tu as vue, que tu as beaucoup aimée. Tu rentres à la maison, tu portes la chaussure ne te va pas. Même si tu as donné ces chaussures à quelqu'un d'autre, qui est une bonne chose, c'est que la chaussure est maintenant quoi? Elle est inutile pour toi. Dieu nous a donné des dons, et ces dons est nous n'utilisons pas. Nous sommes quoi? Nous sommes inutiles. Et vous allez voir la fin de ce passage. David dit, jetez-le dans les ténèbres. Où il y a les grincements dedans, il y a des pleurs, des grincements dedans. Ça veut dire que lorsque nous n'utilisons pas nos dons, nous allons partir en enfer. Nous serons inutiles. Parce que, vous voyez, vous pensez que vous avez quelqu'un chez vous, par exemple, vous avez une domestique. Elle est chez vous, c'est toi qui te lèves pour la laver. Tu laves la domestique, tu prépares pour elle, pour manger. Tu fais tout pour elle. À la fin du mois, tu paies également la domestique. Est-ce que tu peux garder cette domestique-là? Tu peux pas. Nous sommes inutiles devant Dieu. Tu dis, mais je leur donne le salut. J'ai donné le salut, don du salut gratuitement. Je ne leur ai même pas donné de. Allez, au moins, j'ai reçu beaucoup de coups. Au moins, qu'ils reçoivent au moins deux coups. Comme chez les comment ils appellent, les gens de Singapour là. Lorsque tu manges le chewing-gum au Singapour, c'est au bien. Au Singapour. À Singapour. Hein? Oh, c'est seulement un français qu'on a ici. À Singapour. Tu reçois des fouets. Yeah, on te donne des coups. Et ce sont les coups, les coups qu'on donne aux esclaves. Hein? Ce qu'on donne aux esclaves. Il y a un Américain qui avait une fois, il avait mangé le chewing-gum là-bas. On l'avait attrapé. Seulement le chewing-gum. Il a juste mâché le chewing-gum. On l'avait attrapé. Et on devait lui donner 5 coups. Allez lire ça. Le président Clinton est même parti voir le président pour lui demander pardon. Il dit, oh pardon, président, s'il te plaît, c'est les États-Unis. On ne peut pas permettre que cette personne soit fouettée à cause d'un chewing-gum. Il dit, il n'y a pas de problème. Ok, on va réduire. Il dit, oh, tu vas réduire. De combien? Il dit qu'il enlève seulement un seul coup. Yeah. Allez lire. C'est une vérité. Allez lire. Yeah. Alléluia. Il y a un étang ardent de feu qui nous attend. Nous qui n'utilisons pas nos dons. Dieu nous a tout donné. Qu'est-ce que nous faisons de ce don que Dieu nous a donné? Ce don gratuit. Dieu n'a même pas payé un seul franc pour cela. Alléluia. Je prie ce matin pour que ce don revienne dans la vie de beaucoup d'entre nous aussi ce matin. Que ce don revienne dans nos vies. Vous croyez que lorsque je prends... Je ne parle pas de révérend Jidas parce que sa femme est là. Quelqu'un qui part pour aller travailler, pour aller faire sa vie, décide d'implanter les églises. Tous les problèmes qu'il a aujourd'hui dans sa vie, c'est à cause de l'église. Ce n'est pas à cause de son travail. Yeah, à cause de l'église, tous les problèmes, les fardeaux, il n'est pas payé par l'église également. C'est parce qu'il a reçu un don de Dieu. Il ne méprise pas ce don. Vous voyez quelqu'un comme Bishop Dak, Sister Simon, il ne méprise pas le don que Dieu leur a donné. Et lorsque vous les voyez, vous voyez qu'il y a encore plusieurs dons qui sont en eux. Parce qu'ils n'ont pas méprisé le premier don que Dieu leur a donné. Le don du salut. Ce matin, je vais prier qu'on puisse prier. On va se lever ce matin, nous allons prier. Je pense que le message est un peu lourd pour certains, mais pour certains, c'est pas lourd. C'est pas, oh, ça c'est, on a tellement entendu ça que nous sommes fatigués. Mais si tu es conscient, tu verras que Dieu te parle ce matin. Tu as méprisé le don que Dieu t'a donné. Tu as méprisé ces choses que Dieu t'a donné. Le don gratuit du salut. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses commencer à élever ta voix et à prier pour toi-même. À demander pardon à Dieu. Est-ce que tu seras comme mes frères? Mes frères biologiques, mes cousins biologiques, qui aujourd'hui ne prient plus. Lorsque je les appelle, je leur demande, mais qu'est-ce que tu fais ce dimanche? Je ne vais pas à l'église. J'ai tellement travaillé durant la semaine que le dimanche, je suis fatigué. J'ai un frère qui joue au piano. Je ne vois même pas qui ici, dans cette église, joue comme lui. Très talentueux. Il dit qu'il va rarement à l'église. Il ne va plus à l'église. Parce qu'il est maintenant riche. Parce qu'il a maintenant tout ce qu'il veut. Prie pour toi-même ce matin. Ce don de salut que tu as négligé, que tu as caché. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu ait pitié de nous. Est-ce que c'est une erreur que Dieu a eu à faire de te sauver? Est-ce que c'est une erreur? Dieu a fait une erreur de te donner ce don gratuit. Si tu as donné ce don que tu négliges, il n'a pas besoin de toi donc. C'est mieux pour lui de te jeter. Et ce matin, je veux prier pour beaucoup de personnes ici ce matin. C'est des personnes qui veulent reconsidérer ce don gratuit, qui veulent recevoir ce don gratuit ce matin. Et c'est qu'il y a beaucoup de personnes ici ce matin qui doivent recevoir ce don gratuit avant de quitter cette église. Alors que tout était sans baisser, les yeux fermés. Si tu es touché dans ton cœur, tu veux recevoir le don, ce don de Dieu, viens seulement. Je ne vais même pas te demander de lever ta main là où tu te trouves. Viens avant seulement et viens seulement, viens moi. Nous allons prier ensemble. Viens seulement. Ne regarde pas ton frère, ne regarde pas ta soeur. Ne regarde pas. Je ne veux même pas voir les hachures qui bougent, qui encouragent les gens. Non, regarde à ta vie. Regarde à ta vie. Ce don gratuit que Dieu nous a donné. Tu veux recevoir ce don ce matin. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes qui veulent recevoir ce don encore une fois. Peut-être tu as négligé ce don. Tu as mis ce don à côté. Tu as décidé de prendre, de considérer autre chose. Tu as méprisé le salut. Dieu veut te sauver ce matin. Dieu veut te sauver ce matin. Viens là où tu te trouves. Nous n'avons pas assez de temps. Tu vas prier maintenant. Et si tu es là ce matin, devant toute l'assemblée, tu veux venir vers Dieu. Tu veux dire, Seigneur, j'ai négligé ce don que tu m'as donné. Le don du salut. Aie pitié de moi. Je veux le recevoir ce matin. Et mes frères, alors que vous êtes en train de venir ce matin, vous n'allez plus retourner. Vous serez surpris de vous voir en train de grandir spirituellement, de ne plus, vous serez surpris de voir que vous êtes en train d'évoluer sans le savoir, parce que vous avez encore reçu une fois encore ce don ce matin. Et j'aimerais bien que vous puissiez répéter cette prière après moi. Dites après moi, Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé ce matin. Seigneur, merci, parce que j'ai perdu ce don que tu m'as donné. J'ai perdu le don du salut. À partir d'aujourd'hui, je veux revenir à toi. Prends ma vie. Prends le contrôle de ma vie. À partir d'aujourd'hui, dirige ma vie. Devant tout le monde ce matin, je déclare que je t'appartiens. Je veux marcher en nouveauté de vie avec toi. Je veux t'appartenir. À partir d'aujourd'hui, écris mon nom dans le livre de vie. Je ne veux plus retourner dans le passé. Tous les liens que j'ai tissés avec l'ennemi, soit consciemment ou inconsciemment, je les détruis ce matin par le sang de Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce envers moi. Merci pour ton amour envers moi. À partir d'aujourd'hui, je veux marcher de victoire en victoire avec toi. Ce don que tu m'as donné, je veux, Seigneur Dieu, gagner encore plus pour la seule gloire de ton nom. Merci pour ton amour envers moi. Au nom de Jésus. Amen.